Mon transport idéal pour moi serait une soucoupe volante pour arriver au plus vite au travail. Mon transport idéal que j'aimerais avoir, c'est avoir une voiture volante, comme dans Retour vers le futur. Je choisirais la voiture volante parce que dans les transports en commun, les gens, ils sont. Des fois, il y en a, ils sont pas agréables. Ils sont pas. T'en as, ils sont. Ils poussent, ils disent pas pardon. Et les chevaux, parce que avec les transports, je suis dans la galère et dans le métro. Et les chevaux, c'est bien, mais bon, c'est pas compliqué, voilà. Plutôt la téléportation. Vu que pratiquement j'habite loin et ça fait et le temps que je gêne, soit j'arrive trop là en retard là où j'oublie de me lever. Pour revenir à l'ISAT, je marche, je prends le T3 pour aller à Voilà-Soie. Soit je marche. Soit je prends le bus 16. Pour revenir à l'ISAT, je prends métro, je descends Voilà-Soie. Après, je prends 16 et je viens l'ISAT. Je prends le tramway T4, après je prends le métro D,